jamais. Mais toi, tu dois lui sourire. Elle, elle te parle mal. Mais toi, tu dois bien lui parler. Elle, elle ne te répond jamais. Mais toi, tu dois lui répondre. Elle, elle se fout de ta gueule. Mais toi, tu dois pas. Tout ce qu'elle fait contre toi, toi, tu dois pas. Tu dois pas en arriver là. Elle a maudit, elle a haï, elle lui en vouloir. Tu dois subir sans en pâtir. Il faut tenir le coup. Sans pouvoir partir. Tenir le coup, ne plus réfléchir. Et rester là, sans joie, sans rien, ne profiter de rien. Cacher ce qui te reste de